Chapitre 2. Le lendemain matin, comme la cloche sonnait le déjeuner, Claire, suivie de son mari, traversait le vestibule de l'hôtel. Au moment où il passait devant le bureau, elle vit un registre destiné à recevoir le nom des voyageurs. « Tiens, dit-elle, je vais nous inscrire. » Et d'une grande écriture droite, ferme et serrée, elle mit au milieu d'une page blanche « Baron et baronne Raymond Blacher, Paris ». Puis elle entra dans la salle à manger. « Nous prenons une table séparée, n'est-ce pas ?» demanda Raymond. « Pourquoi ? Nous serons aussi bien à la table d'hôte. » Le déjeuner fini, elle proposa d'aller s'asseoir, pour prendre le café, sur une sorte de terrasse qui règne devant l'hôtel et où des sièges étaient disposés avec de petites tables. Raymond ayant objecté qu'il y avait bien du monde à cet endroit, « Eh bien, dit-elle, qu'est-ce que cela fait ?» Ils prirent place à côté d'un groupe d'hommes et de femmes qui se livrait avec l'apparence du plus vif intérêt, à une de ces conversations de bains de mer ou de villes d'eau qui ne diffèrent jamais entre elles que par un seul point, savoir que la médisance paraît l'emporter, dans quelques-unes, sur la sottise, et que dans d'autres, au contraire, la niaiserie se montre franchement prépondérante. On échangeait et on commentait les nouvelles de l'endroit. Mademoiselle X avait encore fait une pleine eau avec son beau-frère. Cela tournait au scandale. La belle Madame Z avait dû changer de bannière. Comme on lui demandait pourquoi, elle avait répondu en rougissant « Je sens depuis quelques jours que cet homme devient amoureux de moi. » La grosse Madame A, prenant son bain, la veille, s'était tout à coup mise à pousser des cris affreux, se figurant qu'un crabe venait de la pincer au mollet. Ce n'était pas un crabe, mais son neveu. Le petit Bob, comme on l'appelle, un enfant de 13 ans, plein d'une charmante espièglerie, qui passe son temps à plonger autour de ces dames et à leur glisser dans les jambes comme une anguille. On avait pris à la côte des Basques un énorme poisson. En lui ouvrant le ventre pour le vider, les pêcheurs y avaient trouvé une boîte à sardines d'un modèle ancien parfaitement conservé, qu'un marchand de curiosité avait acheté 30 sous et revendu 200 francs à une vieille anglaise, comme pièce historique provenant de la bataille de Trafalgar. Le marquis espagnol du premier, qui faisait tant d'effets au casino, était parti sans payer la note de son appartement à 3 louis par jour. On avait saisi sa magnifique balise en cuir de Russie, mais on n'y avait trouvé qu'un bâton de cosmétique rance et un peigne fort sale. C'était une chose absolument certaine que la princesse polonaise du rez-de-chaussée payait 6 000 francs par an à une dame de compagnie ayant le même pied qu'elle et dont l'unique fonction était de porter ses bottines neuves pendant quelques jours afin de les briser. On attendait l'acteur N du Palais Royal. On aurait enfin quelques monologues et des imitations de Sarah Bernard, dont on était bien privé. « À propos, demanda quelqu'un, qu'est-ce que c'est donc que ce baron Blacher dont je viens de voir le nom sur le registre ?» Raymond s'agitait sur sa chaise, Claire souriait. « Blacher, répliqua un vieux monsieur décoré, il y a eu un général de ce nom. Voulez-vous des renseignements ? Dit un jeune homme qui tenait à la main le Gaulois qu'on venait d'apporter. Il se mit à lire à haute voix une colonne consacrée tout entière au mariage de l'avant-veille. « Allons-nous-en, Claire !» fit tout bas Raymond, de plus en plus agacé. « Mais non, répondit-elle, c'est très amusant. » Raymond fut obligé de subir jusqu'au bout cette lecture qui le mettait au supplice. La robe de Claire était minutieusement décrite. Une pension flatteuse était accordée à la toilette de Madame le couturier, née de Bellegarde, Bellegarde, qui n'a pas dérogé en échangeant son nom de fille d'épreux contre celui d'un des princes de l'industrie. Les témoins, parmi lesquels on se montrait le profil bourbonien du comte de Simeuil, les parents, les amis, tout le monde avait son petit bon point, un mot, un rien, mais si délicatement tourné. Comme le lecteur arrivait à la fin de l'article, un domestique parut, portant sur un plateau une lettre et plusieurs journaux. « Madame la baronne Blacher ? » demanda-t-il en cherchant des yeux. Il se fit un silence subi dans le groupe voisin. « Donnez !» dit Claire, sans paraître troublée loin du monde par les regards curieux qui convergèrent aussitôt sur elle. « C'est un envoi de maman. Venez-vous faire un tour ?» Elle se leva, ouvrit son ombrelle rouge et s'en alla nonchalamment, son paquet sous le bras. « Tiens, tiens !» dit le vieux monsieur. « C'est cette petite femme-là. Quand a eu lieu le mariage, s'il vous plaît ? » « Avant-hier. Ah, mais alors ? Le vieux monsieur mit son lorgnon et la suivit des yeux, en donnant les marques d'un si vif intérêt, qu'ils se mirent tous, les femmes comme les hommes, à rire d'un petit rire discrètement égrillard, qui sans doute eût changé en irritation la gêne et le dépit qu'éprouvait Raymond. Il n'entendait rien, heureusement. Claire était sortie de l'hôtel et lisait sa lettre tout en marchant. Ils allèrent visiter le casino, la villa Eugénie, le phare et l'excavation de la falaise, qu'on nomme dans le pays la chambre d'amour, en souvenir d'un jeune homme et d'une jeune fille qui, autrefois, y furent surpris, pendant un rendez-vous, par la marée montante et noyée. Ils s'assirent sur un rocher. « Enfin, nous voilà seuls !» dit Raymond, et il en profita pour embrasser sa femme. « Raymond, m'aimez-vous plus aujourd'hui qu'hier ? Comment ne vous aimerais-je pas davantage, maintenant que mon amour s'ajoute une gratitude sans bornes ?» Elle se prit à sourire, d'un sourire mystérieux, et son regard, qu'elle promenait sur l'infini des eaux, s'emplissait de rêves, devenait peu à peu vague et profond comme l'immense océan. « À quoi pensez-vous ? » demanda Raymond après un silence. « Dame, dit-elle en reprenant aussitôt son expression ordinaire de hardiesse et de moquerie, « ce n'est pas bien difficile à deviner. Vous comprenez qu'on n'est pas marié depuis 2 jours sans avoir quelques petits sujets de réflexion ? Et peut-on savoir quelles sont vos réflexions ? Vous êtes trop pressé, mon cher. Donnez-moi le temps de m'y reconnaître. Vous ne trouverez pas mauvais, je pense, qu'avant d'en être, comme vous, à la période de la gratitude, je passe par celle de l'étonnement. Ne rougissez pas, je vous en prie. Vous allez me faire croire que je dis des énormités et que votre pudeur s'en alarme. Ma chère Claire, répondit Raymond, vous avez beaucoup d'esprit. J'en suis charmé pour vous et pour moi. Seulement, laissez-moi vous dire, très doucement, et sans vouloir jouer le personnage assez sot d'un mari qui m'origène à tout bout de champ sa jeune femme, laissez-moi vous dire que vous manquez un peu de réserve, et que s'il est une situation dans la vie où le bon goût, à défaut d'autres sentiments, impose la retenue, dans les paroles comme dans les actes, c'est précisément celle où nous nous trouvons. Tout à l'heure, par exemple, après le déjeuner. Oui, oui, je sais. J'ai vu que je vous scandalisais. Comme vous parlez bien. Vous auriez fait un confesseur délicieux. Si j'ai péché par inconvenance dans mes propos ou dans ma tenue, dites-le-moi, mon père, afin que je combatte à l'avenir le Goliath de l'immodestie. » En prononçant ces mots, elle joignit les mains et prit une petite mine hypocritement repentante qui lui valut son absolution sous la forme de nouveaux baisers. « Raymond, disait-elle, en essayant faiblement de dérober ses lèvres, vous manquez de retenue, vous devenez immodeste. Je crois que vous êtes en proie à un Goliath, au plus affreux de tous. Si vous continuez, vous allez nous faire surprendre par la marée montante. » Et elle s'échappa, riante et frémissante, de ses bras. Ils revinrent à l'hôtel, afin d'écrire à Paris avant le départ du courrier. Le billet de Raymond portait « Je n'ai rien à vous dire, ma chère mère, sinon que je suis le plus heureux des hommes. Dans quelques jours, je vous écrirai plus longuement. Je vous donnerai des détails sur la douce vie commune que nous venons de commencer. Aujourd'hui, je ne saurais songer à autre chose qu'à ma félicité. Je me laisse bercer par elle, comme cette mouette que je viens de voir se poser sur une vague. Votre fille me charge de joindre ses tendresses à celles que je vous envoie. Dites à notre bon abbé combien je lui suis reconnaissant des paroles qu'il a trouvées dans son cœur et qui sont allées tout droit au mien. Donnez un souvenir affectueux de ma part à Martha et à Jean. Soignez-vous bien, ne marchez pas sans votre canne. Je vous aime, ma mère, et je vous vénère. » La lettre de Claire était ainsi conçue. « Chère maman, nous sommes installés à l'hôtel d'Angleterre, dans une bonne chambre, au premier, avec vue sur la mer. C'est un peu cher, mais confortable. Avec mon café au lait du matin, nos 2 repas à table d'hôte, il faut compter dans les 40 francs par jour. Je ne comprends dans ce prix ni le vin qui est à part, ni le blanchissage. Raymond est très gentil pour moi. Il y a déjà beaucoup de monde. Je crois que nous ne nous ennuierons pas. J'ai reçu le petit mot où tu m'annonçais l'envoi des journaux parus le soir de notre mariage. J'ai trouvé les comptes rendus très bien. S'il y a quelque chose d'intéressant dans ceux du lendemain matin, ne manque pas de me les envoyer. Je veux couper et garder tous les articles. Envoie-moi donc aussi, par colis postal, un petit coursage de dessous, en toile, coulissant du haut. Prends-le un peu plus ajusté que ceux de la douzaine du trousseau. C'est pour mettre sous mon costume de bain. Parce que sans cela, je vois qu'on a l'air d'un paquet en sortant de l'eau. Tu pourras aussi m'envoyer mon Amazon. On monte beaucoup ici. Dis à Tom que je lui recommande de bien soigner Trilby. Une petite promenade tous les matins avec un temps de galop. Et surtout, pas trop d'avoine, car il ne faut pas échauffer cette bête. Ton gendre t'adresse ses hommages. Je t'embrasse, ainsi que papa, ta baronne de fille. Quand ils eurent fini d'écrire, Raymond proposa d'aller faire un tour du côté du port vieux. « Vous n'y pensez pas, » dit Claire. « J'ai un tas de choses à faire encore. »« Lesquelles ? » ?»« Il faut que j'écrive ma dépense. Voilà 2 jours que je n'ai pas mis mon carnet au courant. »« Mais vous n'avez rien dépensé. » »« Et ma boîte de caramel au buffet de Morceux ? » ?»« Et mes espadrilles tout à l'heure ?»« Ce ne sont pas des dépenses. Vous écrivez tout cela ?»« Mais certainement. » Et depuis l'âge de 12 ans. Alors si vous donniez 2 sous à un pauvre, oh, cela ne m'arrive pas souvent. Jusqu'à présent, j'ai remis tous les ans 20 francs à papa le 1er janvier sur mes économies. Papa ajoute cela aux 100 francs qu'il donne de son côté. On porte le tout au bureau de bienfaisance du quartier et l'affaire est faite. Cela vaut bien mieux que de donner à tort et à travers. D'abord, c'est assommant de faire l'aumône soi-même. On a toujours peur d'être volé. Ah. Enfin, vos comptes ne vont pas vous prendre des heures entières. Non, mais il faut que je mette de l'ordre ici, que je finisse de défaire ma malle, que je garnisse de papier blanc ces tiroirs de commode et ces planches d'armoire à glace. Tout cela est dans un état. Et vos affaires? Je vois bien qu'il va falloir que je les range aussi, car vous êtes un sans-soin. Ce n'est pas ma faute si vous ne m'avez pas laissé travailler ce matin, monsieur. Rappelez-vous quelle vie vous m'avez faite quand j'ai voulu commencer mes rangements. Moi qui me lève à 7 heures et qui suis toujours habillé à 8, j'ai failli arriver en retard au déjeuner à cause de vous. Allons, laissez-moi. Descendez les lettres, promenez-vous jusqu'au dîner, et ne me regardez pas comme cela. J'espère que vous n'allez pas vous croire, dans la chambre d'amour, toutes les fois que nous nous trouverons en tête à tête. Cela finirait par devenir monotone, vous savez. Allons, sauvez-vous, partez, partez. Ça me gêne de vous sentir dans mon dos. À tout à l'heure. Raymond quitta la chambre sans répondre. Il alla s'asseoir sur la falaise, en un endroit solitaire, d'où la vue découvre au loin, à peine estompée à l'horizon, les côtes montagneuses de l'Espagne. Au-dessous de lui, les grosses lames de ce golfe, ouvert au vent du large, brisaient sur des récifs déchiquetés qu'elles couvraient et découvraient tour à tour. À chaque assaut de la vague, un bruit sourd et formidable, comme celui d'une canonnade lointaine, sortait des cavernes que le flot a creusées dans le flanc éternellement sapé de la falaise. Raymond songeait que cette vague, dont l'embrun montait en poussière salée jusqu'à lui, que cette brise vivifiante dont il remplissait ses poumons, n'avait, depuis l'Amérique d'où elle venait, rencontré aucune terre, et il trouvait un charme secret à venger sa faiblesse de pauvre être débile que la grandeur de la nature écrase, en constatant qu'il portait en lui-même quelque chose d'aussi incommensurable que cet infini. Il passa là 2 heures à rêver. L'océan, où la crête des lames commençait à sourler d'écume, avait cessé de miroiter à ses pieds comme une immense nappe de métal en fusion. Le sourire des flots se changeait en menace. Des plaques, d'un ton glauque ou laiteux, formaient çà et là sur la mer des îlots sombres au milieu du vert pâle qui dominait encore. La brise se déchaînait à travers l'espace avec des sifflements de rage, ainsi qu'une force malfaisante qui s'exaspère de ne rien trouver à détruire. Sa plainte stridente, pleine de voix désespérées et de cris d'agonie, se mêlait au mugissement des flots et au bruit crépitant des galets roulés sur la grève. Après avoir assasié ses yeux de la beauté de ce spectacle, Raymond se prit à penser qu'il eût été plus doux de le contempler à deux. Et soudain, un malaise indéfinissable l'envahit. Il sentit qu'un souffle de tristesse abattait sur son âme et la troublait jusqu'au fond, comme cette rafale venait de bouleverser en un instant la mer sous ses yeux. Il reprit le chemin de l'hôtel. L'accueil gracieux que lui fit Claire effaça les derniers vestiges de l'impression pénible qu'il avait vaguement ressentie. « Bonjour, monsieur mon mari, » dit-elle en lui offrant sa joue. « Voyez si j'ai bien travaillé. » De fait, l'industrieuse activité de la jeune femme avait déjà transformé la chambre. De jolies embrasses, faite d'un nœud de ruban rose, relevait les rideaux des fenêtres. Des flacons, méthodiquement disposés par ordre de grandeur, s'alignaient sur le marbre de la cheminée, avec des brosses d'ivoire, des ciseaux, des limes, des pelotes d'épingles. Les cannes, les parapluies, les ombrelles étaient soigneusement rangées dans un coin. Les tiroirs de la commode, du secrétaire et de l'armoire à glace étaient pleins. Les différents objets contenus dans chacun d'eux étaient énumérés sur un petit papier qu'on apercevait en ouvrant. Raymond remarqua même que les têtes d'oreiller des deux lits portaient maintenant une couronne de baron brodée. « C'est merveilleux, » dit-il. « Vous avez travaillé comme un ange. Vous aviez donc apporté des têtes d'oreiller de Paris ?»« Oh, je crois bien. C'est bien plus propre. Et puis cela fait très bon effet dans un hôtel. Maman me l'avait assez recommandé. Ah, vous n'avez pas apporté des draps aussi ?» Elle se mit à rire et répondit « Cela n'eût pas été convenable, sans compter que nous avions déjà bien assez d'excédents. » Ils dînèrent gaiement. Le vieux monsieur décoré s'était placé en face d'elle et continuait à paraître prodigieusement intéressé par la vue d'une si jeune mariée. Indifférente à l'attention générale dont elle était l'objet, Claire mangeait comme un loup, parlait haut, ou bien se penchait vers son mari pour lui glisser à l'oreille quelque observation maligne sur leur voisin. Quand on en fut au dessert, elle prit et mit tranquillement dans sa poche deux ou trois petits gâteaux secs. « Voyons, Claire, on vous regarde !» dit tout bas Raymond. « Mangez ces gâteaux ou laissez-les dans votre assiette !» Elle parut surprise de l'observation et répondit que c'était pour son café au lait du lendemain. Après le dîner, ils allèrent se promener dans la ville et passèrent quelque temps à regarder les devantures des magasins. Elle marchanda pendant 10 minutes un bonnet de bain en toile gommée dont la ruche de laine bleue lui parut arrangée avec goût. « Vous avez donc l'intention de prendre des bains de mer ?» demanda Raymond. « Ça vous étonne. Pourquoi donc pas ?» Finalement, elle n'acheta point le bonnet, sur cette réflexion qu'il était plus simple de s'en faire envoyer un pareil du bon marché par sa mère. 9 heures sonnèrent. Elle traînait son mari de boutique en boutique, s'arrêtait à l'étalage, examinait, touchait les objets, faisait des comparaisons avec les prix de Paris. Raymond l'écoutait à peine et lui répondait distraitement. Des souvenirs, plus troublants à mesure qu'avançait l'heure, se présentaient à son esprit. « Vous êtes resté debout toute la journée, » lui dit-il doucement. « Vous devez être fatigué. Moi, pas du tout. S'il ne vous plaît pas de rentrer, voulez-vous que nous allions faire un tour sur la plage ?»« Encore ? C'est une manie, décidément. »« Eh bien, et le casino ? Quand est-ce que vous m'y mènerez ?»